Ouvre tes oreilles et vois les clichés, les descentes dans les caves, les plaques tournantes, ok, les tournantes dans les caves, les poucaves qu'on tourmente, les kills en planque dans les paves, ok, les meutes des épaves, d'être sans pédave, la banlieue serait en chaise roulante, y'a bien l'an 2000 et les caisses volantes, t'es au courant des quartiers riches, y'a des régions sans eau courante, les criminels ont le vice, les victimes font des mains courantes, les nœuds coulants, prison que son monnaie courante, y'a les vieux coulants, les jeunes qu'ont les moins de 50, t'as 25 ans, t'es entre le piéton et le délinquant, la banlieue est faite de béton et de ciment, le genre Arthur au silence. Ce bêtement on paye notre enterrement, les contentieux, le fisc, le smic, les comptes en Suisse, les prétentieux, les fixes, les sniffs, les grosses pifs pour les anxieux. Je répète, le genre Arthur au silencieux, trop de gens ont besoin d'aide, les besoins des autres passent avant eux. Car en résumé, je crois qu'on est présumé coupable, victime des préjugés, tous condamnés avant d'être jugés. Regarde comment elle se sape la selle, c'est qu'une pute, elle tombe dans les caves, tu captes la selle. Car en résumé, je crois qu'on est présumé coupable, victime des préjugés, tous condamnés avant d'être jugés. La banlieue est faite de béton et de ciment, le genre Arthur au silence, bêtement on paye notre enterrement. Y'a trop de clichés, style blonde égale conne, jeunesse égale à trou de balle, cuite à l'alcool. Regarde comment elle se sape la selle, c'est qu'une pute, elle tombe dans les caves, tu captes la scène. Malsaine et la race noire, il paraît qu'ils suintent, de plus sont assimilés à la paresse. Dans les quartiers, les ressources et les barrettes, de shit y'a que des tarés mal barrés que personne n'arrête. Dans mon trône, un islamiste reconnu à sa barbe, il a peut-être une bombe, je descends vite car ça pourrait peut-être barder. Regardez, un antillais et sa femme, le temps qu'il lui fasse un mot mais qui se casse, ça ne serait tardé. En bâtiment, une seule famille prend l'étage, un père, plusieurs mères et le salaire versé par l'État. Le rap exerce comme un contrôle parental, en enseignant de la merde, laissant la haine en héritage. Car en résumé, je crois qu'on est présumé coupable, victime des préjugés, tous condamnés avant d'être jugés. Regarde comment elle se sape la selle, c'est qu'une pute, elle tombe dans les caves, tu captes la selle. Car en résumé, je crois qu'on est présumé coupable, victime des préjugés, tous condamnés avant d'être jugés. La banlieue est faite de béton et de ciment, le genre Arthur au silence, bêtement on paye notre enterrement. Dans les médias, les jeunes sont catalogués, étiquetés KRA, voleurs ou drogués, au bord de l'OD. Ils ont pas de vaitra, mais se font des lovés, en faisant des cache-bras, ils veulent nous faire croire que tous les scars là vendent du dopé. On parle pas de ceux qui taffent et qui font des études, que de ceux qui font des thunes en faisant du sport, on sort dans des tubes, les mêmes clichés qui nous collent à la peau. L'État nous condamne à tort, les flics adorent, plaqués sur le capot, c'est hardcore. Dans l'esprit des gens qui regardent le droit de savoir, ils se croient plus intelligents, ça les rend plus intolérants. Plus ils vont grossir les rangs du FN, croient en changer les choses en générant la haine pour eux. On reste égal et rien, des mecs qui valent rien, qui fument, volent, s'en battent les reins. C'est fou ce qu'on lit sur nous dans le Parisien, toujours le même refrain chaque soir sur TF1. Car en résumé, je crois qu'on est présumé coupable, victime des préjugés, tous condamnés avant d'être jugés. Regarde comment elle se sape la selle, c'est qu'une pute, elle tombe dans les caves, tu captes la selle. Car en résumé, je crois qu'on est présumé coupable, victime des préjugés, tous condamnés avant d'être jugés. La banlieue est faite de béton et de ciment, le genre Arthur au silence, bêtement on paye notre enterrement.